le punchline. Deux ans plus tard, je me l'ai pendu à l'heure. Pendu et ta langue, ces fils de pute, ils ont perdu la leur. Fouté, foutu les ratures, tu les as pas notés. Flouté, le douté, au-dessus de nos têtes, tu n'es plus Damoclès. Et dans nos villes, le visidence, mais nous on décide. On décime ou dessine, je veux 18 banques pour mes dissidents. Appelle la gloire qu'on lui chie dessus, là j'ai vite vu. La rage dans l'œil du petit, j'évite les rapaces et les fissures. Mal point à bien, frère, dans la demi-heure, t'as le beau rôle. Tout se dit, viser un chasse en poche, un paquet de Malboro. Je prendrai l'avance, comme aura-tu après le Kefta, donne-moi la tête. Je trinque à la mouerté, à la ville est sombre, sans moi la fête. Grave et mal classé, chez nous la joie ne se conjugue qu'au passé. J'vois des rois sans fait, en vrai, je m'en fais, je crois que j'étais au placé. Dément, en bas de chez moi, ça sent l'odeur des morts. Demande si le temps efface le saut d'humeur des mots. Regarde en bas, tu vois, ça pue la villa pure. Sur chute, pané sous ta lune, t'as vu la villa pute. J'croyais que j'voyais la vérité, non, j'me suis juste trompé d'angle. J'suis pas trop bien dans mes bombes, j'ai que mes défauts pour compétences. Poignée de punchline, deux ans plus tard, mon rap orage inconsolable. Le décor en fond sonore, pendu des cordes et des têtes insolvables. Le son l'orage, chez nous c'est gris, ton pote là, dis-le bien qu'on vient d'en bas, le dos tassé par des plus, ils viennent bénis. Excusez v'là ce qu'ils ont, j'arrive à 24 comme dans Split. Laisse faire l'expert dès que j'rappe, ça sent la cam comme dans le spliff. Faut que j'bouge ma race du chiffre, à chaque démarrage tu chies. Fini de naître 5, ça rappe jusqu'à chier de ma race du chiffre. J'ai brisé les 4 nains, pressé, j'ai dressé le cap, balisé le périmètre, j'la fais baisser tout pour apprécier le canon. Le but on le rattrape pas, mec, j'maîtrise tous les paramètres. Rock, tu rasses sous la carapace, dans le père à gros coup de paramine. J'y reste à faire fort, hein, j'y reste à faire les stagnes. Faudra se taffer, y'a baisse, toi j'viens tout rafale stagne. Faut vivre le système, j'vois clairer mes buts, l'asphyxie là. Si qu'on a plus que ça, frère, j'rappe à friser l'asphyxie. Un autre level, toi t'es du frère, ah, j'prends l'avenir avec le fuck. Avant de jouer avec les mots, frère, on a joué avec le feu. C'est pour ceux qui sentirent les impulsifs étendus. Ouais, c'est pour les frères soutis en fumette sur le son des bandits. On se déteste, pourquoi s'aimer les mecs, c'est vos mascarades. J'ai plus de vie, masque, il me reste, hoche la tête comme Elascara. Bien, tu montes sur un chèque, personne casse la shit. Y'a trop, tu rasses sous la chair, j'envoie ta prod au CHU. Ton fort joue ton peur, la peau toujours perd à temps plein. Mais t'as fort ou ton bleu, ou frère, cache tes anges et ton blé. J'veux pas de la gloire, moi j'vois ma passion, mec, c'est les miettes. Comment je rends, changerai même si le temps passe. Quand t'as la commence rap.